إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Lors du dernier cours de tafsir, on s'était arrêté au verset 12 de sourate Al-Hashr, sourate l'Exode, donc en page 545 du Mus'haf, le verset 12 se trouvant en page 547 du Mus'haf. Donc dans cette sourate, Al-Hashr, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Banu Nadir, ceux qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expulsés. Banu Nadir, qui sont une tribu juive qui vivait à proximité et dans la banlieue de Médine. Donc lorsqu'ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un délai de 10 jours pour quitter Médine, les alentours de Médine. Ils ont refusé en prenant l'aide que leur avait proposé l'hypocrite Abdullah ibn Ubay. Et finalement, cette aide ne leur est jamais parvenue. Ainsi, ils ont été assiégés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur forteresse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé de pouvoir sortir sains et saufs et de ne prendre que ce que leur chamelle pouvait supporter comme charge. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset 12 et 13 de surat Al-Hashr, surat l'Exode. قال تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. نعم, on va partir du verset 11 pour avoir le contexte entier. قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, n'as-tu pas vu ô Muhammad les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. Ils sont chassés et s'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. En vérité, vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah, c'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين وأنهم يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصحبهم ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال فقال لئن أخرجوا من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بوعدهم ولئن قوتلوا لا ينصرونكم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم ولئن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون أي لا يحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله والسبب الذي أوجب لهم ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها. نكيلجي رحمه الله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné de la situation des hypocrites qui ont fait croire à leurs frères parmi les gens du livre. Donc ici Allah azza wa jalla parle des hypocrites à leur tête, Abdullah ibn Ubay, qui avait promis aux juifs de Banu Nadir de les secourir et d'être à leur côté et de combattre les musulmans afin qu'ils ne leur portent aucune atteinte. Donc Allah Azza wa Jal s'étonne de cette situation de ces hypocrites qui ont fait croire à leurs frères parmi les gens du livre, donc à la tribu de Banu Nadir, qu'ils allaient les secourir et qu'ils allaient être leurs alliés contre les croyants. Et ces hypocrites, à leur tête, Abdullah ibn Ubay, ont dit à la tribu de Banu Qurayza, si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا Et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. C'est-à-dire que nous n'obéirons à personne dans le fait de ne pas vous secourir ou nous n'obéirons à personne qui viendrait vous faire des reproches ou nous effrayer. Et ils ont dit « وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ » Et ces hypocrites ont dit à cette tribu de Banu Nadir « Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. » Et Allah Azza wa Jal de conclure ce verset en disant « Et Allah témoigne et atteste que ce sont des menteurs. » Qu'ils sont menteurs dans cette promesse par laquelle ils ont dupé leurs frères. Donc leurs frères parmi les juifs, parmi les gens du livre. Et cela n'est pas étonnant de leur part. Car le mensonge est ce qui les caractérise. Et la duperie ainsi que la traîtrise les côtoient sans cesse. L'hypocrisie et la lâcheté est sans cesse avec eux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a traités de menteurs. Et ce qu'Allah Azza wa Jal a dit s'est révélé effectivement la réalité. Lorsque les musulmans ont assiégé les forteresses de la tribu de Banu Nadir, aucun parmi les hypocrites ou parmi les autres tribus qui avaient promis leur soutien à la tribu de Banu Nadir n'est venu les secourir ou n'est venu combattre à leur côté. Puis Allah Azza wa Jal dit « La in ukhrijou » S'ils sont s'ils sont chassés de leur demeure, ils ne partiront pas avec eux. Si la tribu de Banu Nadir est chassée de ses forteresses, ils, c'est-à-dire les hypocrites, ne sortiront pas avec eux, car ils aiment l'endroit où ils sont, et ils ne patientent pas dans le combat, et également ils ne tiennent pas leurs promesses. « Wala in qutilu la yansurunahum » Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Ceci car la lâcheté prend le dessus sur eux. Et ainsi, ils ne connaissent que la défaite et ils ne font que trahir leurs frères au moment où ils ont le plus besoin d'eux. Et Allah Azza wa Jal dit « Wala in nasaruhum » Et s'ils allaient à leur secours, c'est-à-dire en supposant que les hypocrites allaient au secours de cette tribu. « La yuwallunna al-adbara thumma la yunsaroun » Ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seraient point secourus. C'est-à-dire que, en supposant qu'ils aillent aider leurs frères parmi les gens du livre assiégés, eh bien, ils auraient fait preuve de lâcheté et ils auraient tourné le dos. Puis Allah Azza wa Jalla nous explique la cause de cela. Cheikh Saadi dit, et la cause qui les amène à cette lâcheté est que vous, c'est-à-dire vous les croyants, vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont plus peur de vous qu'ils n'ont peur d'Allah. Et ainsi, ils font précéder la peur des créatures devant la peur des créatures qui ne peuvent pour elles ni pour autre qu'elles ni apporter un bien ni épargner d'un mal. Ils ont fait précéder la peur de ces créatures devant la peur du Créateur, celui qui a entre ses mains le bien et le mal, celui qui, subhanahu wa ta'ala, a la possibilité de donner comme il a la possibilité de priver. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les choses et ne se rendent pas compte de la réalité des situations et ainsi ne prennent pas compte des conséquences. Car la compréhension, toute la compréhension, réside dans le fait de redouter le Créateur, d'espérer du Créateur, de l'aimer et de faire précéder sa peur et son amour devant la peur de toute autre chose. ثم قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 14 de sourate Al-Hashr, tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. قال الشيخ السعدي رحمه الله لا يقاتلونكم جميعا أي في حال الاجتماع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أي لا يثبتون لقتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار فإنهم إذ داك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم وهذا من أعظم الذم بأسهم بينهم شديد أي بأسهم فيما بينهم شديد لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم ولهذا قال تحسبهم جميعا حين تراهم مجتمعين متظاهرين ولكن قلوبهم شتى أي متباغضة متفرقة متشتتة ذلك الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون أي لا عقل عندهم ولا لب، فإنهم لو كانت لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم بأخبث الخطتين، ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة، فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. نعم، il dit rahimahullah en expliquant ce 14e verset, لا يقاتلونكم جميعا, tous ne vous combattront pas, c'est-à-dire en supposant que ils soient unis, ils ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou derrière des murailles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent vous combattre et ils n'ont pas la volonté de le faire, et ils n'auraient la volonté de le faire que s'ils étaient retranchés dans des cités fortifiées ou seulement s'ils étaient derrière des murailles ou des remparts qui les protégeraient de vous. Et si cela est concrétisé, alors ils pourraient faire preuve de résistance. Et cette résistance dont ils pourraient faire preuve se repose uniquement sur leur forteresse et leur muraille. Et ce n'est en aucun cas une bravoure de leur part. Et ceci fait partie des plus grands reproches. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ » Leurs dissensions internes sont extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent vous combattre car ils sont divisés entre eux. Ils ne sont pas victimes d'une maladie dans leur corps. De même qu'ils ne sont pas victimes d'un manque de force, mais leur maladie et leur faiblesse résident dans la faiblesse de leur foi et dans le fait qu'ils ne peuvent réunir leurs paroles. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا » Tu les croirais unis lorsque tu les vois apparaître devant toi, mais leurs cœurs sont divisés. C'est-à-dire qu'en réalité, ces hypocrites, tu les vois avec une image d'union, alors qu'en réalité, leurs cœurs se détestent les uns les autres, leurs cœurs sont partagés et dispersés. ذَلِكَ ceci, c'est-à-dire ce qui les a amenés à une telle situation qui a été précédemment décrite, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils n'ont pas de raison et n'ont pas d'intelligence. Car s'ils avaient une raison, ils auraient fait précéder le méritoire à ce qui n'a pas de mérite. Et ils n'auraient pas préféré à leur personne une telle situation. Et s'ils avaient été intelligents et s'ils avaient la raison, leurs paroles auraient été unies, leur cœur également. Et c'est ainsi, c'est-à-dire à travers cette union des cœurs et de la parole, qu'ils se seraient secourus les uns les autres et ils se seraient entraidés les uns les autres dans les bienfaits religieux et mondains. ثم قال رحمه الله نعم puis il explique رحمه الله le verset 15 de sourate Al-Hashr كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ils sont semblables à ceux qui peu de temps avant eux ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. الشيخ السعدي رحمه الله dit مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم هذا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه. Donc il dit, rahimahullah, en expliquant ce 15e verset, « Ces humiliés, parmi les gens du livre, à qui Allah Azzawajal, sur qui Allah Azzawajal a donné la victoire. » Donc Allah Azzawajal a donné la victoire aux croyants contre les juifs de Banu Nadir. Allah Azzawajal leur a infligé une humiliation dans cette vie d'ici-bas, et ne leur a pas permis de bénéficier de l'aide de ceux qui leur avaient promis de les aider. Alors Azzawajal dit كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ils sont semblables à ceux qui peu de temps avant eux. Et Cheikh Oussaïd dit وَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشِ Ce sont les mécréants de Quraysh à qui le diable a embelli leurs actes et leur a dit, et ceci a été dit dans la bataille de Badr, « La ghaliba lakum al-yawm » Et quand le diable leur a embelli leur action, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans le verset 48 de Sourate Al-Anfal, Sourate le butin. Et quand le diable leur a embelli leurs actions, et dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer. » La ghaliba lakum al-yawm wa inni jarun lakum. Et je suis votre soutien. Falamma tara'at al-fi'atan. Et lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna le dos et dit « Je vous désavoue et je vois ce que vous ne voyez pas. » Donc, dans la bataille de Badr, le diable est venu pour embellir aux polythéistes de Quraysh leurs actions. Et leur a dit que « Aujourd'hui, nul ne peut vous dominer et je suis votre soutien. » Lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, lorsque le groupe des musulmans était en face du groupe des polythéistes de Quraysh. Le diable tourna alors le dos et dit aux polythéistes, « Je vous désavoue, je me désavoue de vous et je vois ce que vous ne voyez pas. » Et dans la bataille de Badr, vous savez tous qu'Allah Azza wa Jal a soutenu ses serviteurs croyants en envoyant l'aide des anges, alayhim salam. Ainsi, les polythéistes de Quraysh ont été dupés par leur propre personne et ont été dupés par le diable également. Cela ne leur a été d'aucun bénéfice et cela ne les a pas préservés du châtiment. Lorsqu'ils se sont rendus à Badr, enorgueillés, ils pensaient qu'ils allaient parvenir à atteindre leur but face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants. Mais Allah Azza wa Jal a donné victoire à son prophète et aux croyants qui étaient à ses côtés. Ils ont tué les grands parmi Quraysh ainsi que leurs chefs. Ils ont emprisonné ce qu'ils ont emprisonné parmi eux. se sont sauvés ceux qui se sont sauvés parmi eux, et ainsi ils ont goûté à la conséquence de leur comportement, et ils ont goûté à la finalité de leur polythéisme. Ceci, dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a infligé la défaite, et ils auront dans l'au-delà le châtiment de l'enfer. Puis Allah Azza wa Jal dit « كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » Allah Azza wa Jal dit dans le verset 16, « Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme, sois incrédule. Puis, quand celui-ci a mécru, il dit, je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur des mondes. » Avant de lire l'explication de Cheikh Saadi, sur le verset 15, « Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux. » Il y a une divergence des mufassirines sur qui est voulu par ceux qui peu de temps avant eux. Ici, Cheikh Saadi dit qu'il s'agit des polythéistes de Quraysh, on a dit. Et d'autres mufassirines ont dit qu'il s'agit de la tribu de Banu Qunayqa, Banu Qaynuqa, Afwan, Banu Qaynuqa, qui est une tribu juive qu'a expulsé également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la tribu de Banu An-Nadir. Donc, il y a une divergence des mufassirines à ce sujet, et l'avis qu'a choisi Cheikh Saadi est que ceux qui sont désignés par semblables à ceux qui peu de temps avant eux, qu'il s'agit ici des kuffars de Quraysh. Qala Cheikh Saadi, rahimahullah, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير فكان عاقبتهما أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه أنهما في النار خالدين فيها كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور حتى إذا وقعوا في الشباك وحاقت بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم واللوم كل اللوم على من أطاعه فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. Donc الشيخ السعدي رحمه الله dit l'exemple ou la comparaison de ces hypocrites qui ont dupé leurs frères parmi les gens du livre, ils sont semblables au diable. Quand il dit à l'homme « mécrois », c'est-à-dire que le diable fait embellir la mécréance à l'être humain et appelle et l'appelle à ceci. Et lorsque cet être humain est dupé par le diable et mécroit, alors sur lui le malheur. Et le diable, qui lui avait proposé son alliance, le diable qui l'a appelé à cela, se désavouera de lui. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » Je me désavoue de toi, car j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de t'épargner le châtiment de l'enfer. Et je ne peux t'apporter ne serait-ce, et je ne peux pas t'apporter, ne serait-ce qu'un atome de bien. Et Allah Azza wa Jal dit, فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا. Ils eurent pour destinée. C'est-à-dire que l'appeleur, qui est ici le diable, وَالْمَدْعُو, est celui qui est appelé. Ici, il s'agit de l'être humain au moment où il a obéi au diable. Allah Azza wa Jal dit qu'ils eurent pour destinée l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit en parlant du diable, إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Il appelle son peuple afin qu'il fasse partie des gens de la fournaise. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Telle est la rétribution des injustes. Car ils ont réuni entre l'injustice et la mécréance. Et ceci est l'habitude du diable face à ses alliés. Il les appelle, il les dirige vers ce qui est néfaste pour eux en usant de tromperies. Et lorsqu'ils tombent dans le filet et que les causes de la perdition sont réunies en eux, alors ils se désavouent d'eux et les délaissent. Et Al-laoum kullu laoum, c'est-à-dire que tout le reproche est lancé à celui qui aura obéi au diable. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le diable et a averti contre le diable. Allah azza wa jal a informé des buts et des finalités que recherche le diable. Ainsi, celui qui s'avance à obéir au diable a désobéi à Allah Azza wa Jal en toute clairvoyance et il n'aura aucune excuse. Thumma qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 18 et 20 à 21 de sourate Al-Hashr: Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإنهم إذ جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم اهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا يخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقيس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب الحياء بلا محالة. Il dit, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal ordonne à ses serviteurs croyants des conséquences et des implications de la foi. Et parmi les implications de la foi est de faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en privé comme en public, dans l'ensemble des situations. Et ils se doivent de prendre en considération ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, de prendre en considération les législations d'Allah ainsi que ses limites, et qu'ils regardent ce qu'ils font en leur faveur et ce qu'ils font en leur défaveur. Et lorsqu'ils commettent des actes qui ne leur sont pas profitables ou qui leur seront néfastes le jour du jugement, alors ils placent l'au-delà devant eux. Et ils dirigent leur cœur vers cet au-delà et prennent conscience de l'importance de s'y préparer. Ainsi, ils redoublent d'efforts pour accomplir des œuvres pieuses et vertueuses qui les amèneront vers cette demeure de l'au-delà. Ils purifient leurs actes de tout ce qui pourrait être un obstacle ou de tout ce qui pourrait les détourner de cette vie éternelle de l'au-delà. Et lorsqu'ils savent, et lorsqu'ils prennent conscience qu'Allah Azza wa Jal connaît tout ce qu'ils font comme acte, que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela les amène à être d'autant plus sérieux et à redoubler d'efforts. Et il dit, rahimahullah, que ce verset 18 de sourate Al-Hashr est un verset de base dans le fait qu'une personne se remette en question, et que l'être humain doit toujours donner de l'importance à son âme. Et lorsqu'il voit une erreur, eh bien, il se doit de s'empresser de la corriger et de la faire suivre d'un repentir sincère, et de se détourner des causes qui l'ont amené à ce péché. Et s'il voit que son âme est manquante vis-à-vis des ordres d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il redouble d'efforts et demande l'aide de son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour que cette âme soit complète. Et il compare, ce qui permet d'aider à adorer Allah Azza wa Jal, c'est de comparer entre les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui et ses manquements vis-à-vis de son Seigneur. Ceci va l'amener sans aucun doute à faire preuve de pudeur vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car nul doute que si tu te comportes mal vis-à-vis de celui qui te comble de bienfaits, eh bien, tu es automatiquement pris par un sentiment de gêne. Un sentiment de gêne. Tu es gêné car tu désobéis à celui qui te comble de bienfaits, des bienfaits qui sont, comme Allah Azza wa Jalla le dit, innombrables. Puis il dit, rahimahullah, والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل بل أنساهم الله مصالح أنفسهم واغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغد ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. Puis il dit rahimahullah que la perte, toute la perte, et le fait que l'être humain soit insouciant de cela et qu'il ressemble à un peuple qui oublie Allah et est distrait vis-à-vis de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces personnes accourent vers les jouissances et les plaisirs. Et en faisant cela, ils ne peuvent connaître la réussite et ils ne peuvent obtenir de richesses. Au contraire, Allah Azza wa Jal leur fera oublier ce qui est bénéfique pour eux et ils seront alors insouciants vis-à-vis de ce qui leur est réellement profitable. Leur comportement sera alors outrancier et ils connaîtront la perte dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et ils ne pourront rattraper ce qu'ils ont perdu. Car ce sont des pervers qui sont sortis de l'obéissance de leur Seigneur et ont plongé et ont sombré dans ces interdits. Ainsi, il dit, rahimahullah, est-ce qu'ils sont semblables et est-ce qu'ils sont égaux? Celui qui préserve sa personne à travers la piété qu'il a vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, peut-on comparer celui qui regarde sans cesse ce qu'il a préparé pour le lendemain? Ainsi, il mérite le paradis, il mérite la vie joyeuse en compagnie de ceux à qui Allah Azza wa Jalla a comblé de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Peut-on comparer cette personne avec celui qui est insouciant vis-à-vis du rappel d'Allah? Celui qui a oublié les droits d'Allah sur lui. Ainsi, il est malheureux dans cette vie d'ici-bas et mérite le châtiment de l'au-delà. Les premiers sont les gagnants, les derniers sont ceux qui ont perdu. Puis il dit, rahimahullah, « وَلَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مَا بَيَّنَ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ كَانَ هَذَا مُوجِبًا لِأَنْ يُبَادِرُوا إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَثَّهُمْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانُوا فِي الْقَسْوَةِ وَصَلَابَةِ الْقُلُوبِ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَوْ أَنْزَلَهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أي لكمال تأثيره في القلوب فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوي الأخلاق فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. Puis il dit, rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal, après avoir montré ces choses à ses serviteurs, après leur avoir donné des ordres et des interdits dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, ceci doit les amener à s'empresser, à mettre en application les ordres d'Allah et à délaisser ses interdits. Car si leur cœur était aussi dur que des montagnes solidement enracinées, eh bien ce Coran, s'il était révélé sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah Azza wa Jal. Car ce Coran a un impact immense sur les cœurs. Les exhortations du Coran sont sans aucun doute les meilleures des exhortations. Et les ordres et les interdits du Coran comportent à la fois des bénéfices et des sagesses. Et les jugements du Coran sont les plus simples qui puissent exister et sont simples pour l'âme. Ce sont des jugements qui sont les plus aisés pour les corps, des jugements qui sont dénués de toute contrainte, des jugements qui ne connaissent aucune contradiction. Il n'y a dans ces jugements aucune difficulté ni injustice, des jugements qui sont valables en tout lieu, en toute époque, et des jugements qui conviennent à toute personne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il donne aux gens des exemples et des paraboles afin d'expliquer et de montrer à ses serviteurs ce qu'il y a dans son livre comme chose autorisée et interdite, afin qu'ils méditent sur ces signes, et car la méditation dans les signes d'Allah ouvre aux serviteurs les trésors de la science et montre aux serviteurs d'Allah azawajal les chemins du bien et du mal. Celui qui médite dans les signes d'Allah azawajal, cela le poussera à être doté d'un bon comportement et avoir un tempérament louable. Cela l'éloignera des mauvais comportements. Puis il dit, rahimahullah, il n'y a pas plus bénéfique pour le serviteur que de méditer sur le Coran et de méditer sur ses sens. ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 21 et 22, dans les versets 22 afwan à 24 de sourate Al-Hashr, c'est lui Allah, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nul ne mérite d'être adoré que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, gloire à Allah, et qu'il soit exempt de tout ce qu'il lui associe. C'est lui Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة البرهان فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وكل إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها وأنه المالك لجميع الممالك فالعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع مماليك لله فقراء مدبرون. القدوس السلام أي المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص المعظم الممجد لأن القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق الذي يجبر الكسير ويغني الفقير المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور سبحان الله عما يشركون وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعنده هو الله الخالق لجميع المخلوقات الباري للمبرؤات المصور للمصورات وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك له الأسماء الحسنى أي له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هو ومع ذلك فكلها حسنى أي صفات كمال بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة تم تفسير سورة الحشر فلله الحمد على ذلك والمنة والإحسان Il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 22 à 24 de Sourate Al-Hashr, il dit que ces versets, ces 5 versets, englobent un nombre important des noms d'Allah Azza wa Jal, de ses noms les plus beaux et de ses caractéristiques et de ses attributs les plus parfaits. Des noms dont Allah Azza wa Jal, ou ces versets dans lesquels Allah Azza wa Jal informe que c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, subhanahu wa ta'ala, car il est parfait, Azza wa Jal, et sa bienfaisance englobe tout, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui administre l'univers. Et toute divinité en dehors de lui n'est que fausseté. Elle ne mérite en aucun cas d'être adorée et elle ne mérite en aucun cas de bénéficier d'une adoration, même si elle serait de la taille d'un atome. Car cette fausse divinité est pauvre. Elle est incapable et pleine de défauts. Cette fausse divinité ne peut pour elle, ni pour autre qu'elle, ne peut rien, ni pour elle, ni pour autre qu'elle. Puis Allah Azza wa Jal s'est décrit comme ayant la science parfaite, la science globale. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Il sait ce que les créatures voient ainsi que ce qu'elles ne voient pas. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose, et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal arrive à tout être vivant. Et Allah Azza wa Jal de répéter une nouvelle fois qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui, Azza wa Jal, qui possède toute chose, le monde. Et lorsque l'on dit le monde, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah est un monde. Le monde élevé et bas, ainsi que tous les habitants de ces mondes, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses sont faibles devant Allah et sont commandées et administrées par Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, qui est Al-Quddus al-Salam, le pur, l'apaisant. Le pur, subhanahu wa ta'ala, al-Salim, celui qui est exempt de tout défaut et de tout manquement. Allah azza wa jal est le pur qui prouve qu'il est exempt de tout défaut et que ses caractéristiques et ses attributs sont immenses et parfaits, subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'min, le rassurant, celui qui a confirmé le message de ses prophètes et de ses envoyés. Il a confirmé le message de ses prophètes et de ses envoyés à travers des signes évidents, à travers des preuves irréfutables et à travers des arguments explicites. Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui qui ne peut être vaincu et celui à qui l'on ne peut faire face. Celui qui a contraint toute chose et toute chose s'est soumise à lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar, le contraignant. L'ensemble de ses serviteurs sont soumis à lui. L'ensemble de ses créatures sont soumis à lui. C'est lui qui comble leurs manquements et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui enrichit leurs pauvres. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, celui qui a l'orgueil et l'immensité, celui qui est épargné et exempt de tout défaut, de toute injustice et de toute tyrannie. Subhanallah amma yushrikun. Qu'Allah soit exempt de tout ce qui lui associe. Et ceci est une négation générale de tout ce que lui ont attribué ceux qui lui ont associé d'autres divinités, subhanahu wa ta'ala. Huwa Allahu al-Khaliq. C'est lui Allah le créateur, celui qui a créé l'ensemble des créatures. Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur, celui qui donne une image à tout ce qui a une image. Et tous ces noms sont en rapport avec la création d'Allah, avec le fait qu'il contrôle et dirige l'univers, et ces noms et attributs sont en rapport également avec la puissance et la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces caractéristiques et tous ces attributs, seul Allah subhanahu wa ta'ala en est doté, personne n'est associé à lui dans cela. Lahu al-asma'ul husna, à lui les noms les plus beaux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de nombreux noms qui ne sont dénombrés et qui ne sont connus de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, tous ces noms sont les plus beaux. Et de chaque nom d'Allah azza wa jal découle un attribut parfait. Et ceci prouve le caractère parfait de ses attributs et l'immensité de ses attributs. Les attributs d'Allah Azza wa Jal ne connaissent en aucun cas de défaut ou de manquement. Et parmi la beauté des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'Allah aime ses noms. Et il aime celui qui aime ses noms subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime que ses serviteurs l'invoquent et lui demandent à travers ses noms les plus beaux. Et parmi le caractère parfait d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, que l'ensemble des créatures présentes dans les cieux et la terre sont dans le besoin perpétuel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces créatures proclament la louange d'Allah azza wa jal. Toutes ces créatures demandent à Allah Azzawajal ou expriment à Allah Azzawajal leurs besoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacune de ses créatures de par sa bonté subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il décide à travers sa miséricorde et sa sagesse, il donne à chacun ce qu'il mérite. Wa huwa al-aziz al-hakim. Et c'est lui le tout-puissant, le très sage. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azzawajal veut une chose, cette chose est. Et il n'y a pas une chose existante sans qu'il n'y a derrière une sagesse et un bénéfice. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Hashr et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.